بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On est aujourd'hui au cours 102 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan dans son charh de ce livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin et les commentaires de Cheikh al-Fawzan de ce charh. Donc, on est arrivé toujours dans le chapitre Babun Maja'a fi dhabhi li ghayrillah, ce qui a été rapporté au sujet du fait de d'égorger pour autre que Allah un animal, et que cela fait partie du shirk. On est donc en train d'expliquer le dernier hadith dans ce chapitre. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit: wa qawluhu qala marra rajulan ala qawmin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an faqalu li ahadihima qarrib qala laysa 'indi shay'un uqarrib qalu lahu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabila فدخل النار لأن قصد غير الله بقلبه وانقاد لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله يعني فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستمن الإبل أو يستسمن الإبل والبقر والغنم ليقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. وقوله، donc on va expliquer jusqu'ici, après on continue. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, donc il cite le dernier hadith dans le chapitre, l'histoire de deux hommes qui sont passés par un endroit où il y avait un peuple, et ce peuple-là, ils adoraient une idole. Et ils laissaient personne passer par leur village ou par leur ville, excepté si la personne, elle faisait un sacrifice à cette idole. Alors, il y a deux hommes qui sont arrivés pour passer, et ils ont dit à un d'entre eux: donne, hein, sacrifie quelque chose pour l'idole, sacrifie un animal pour l'idole. Et il a dit: je n'ai rien avec moi que je pourrais donner en sacrifice. Alors ils ont dit: sacrifie même une mouche. Alors il a pris une mouche, il l'a sacrifiée. Et ils l'ont laissé passer, et il est rentré en enfer à cause de ça. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, c'est parce qu'il a eu l'intention d'adorer autre que Allah dans son cœur, et il s'est soumis par ses actions. À cause de ça, c'était obligatoire pour lui de qu'il soit en enfer, parce qu'il a accepté le shirk dans son cœur, et il s'est soumis dans ses actions. Il l'a fait. Il a fait l'acte. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là: لأنه لم يعتذر بأن هذا الشيء لا يجوز بل قال ليس عندي شيء يعني اعتذر بالعدم. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, parce que en réalité il a pas l'excuse qu'il a donnée, c'est qu'il n'en avait pas. Hein? Il n'a pas utilisé l'excuse qui est de dire que non, c'est interdit parce que on n'a pas le droit de sacrifier pour autre que Allah. Lui, il n'a pas dit ça. Il a dit: non, j'ai rien avec moi pour sacrifier. Donc c'est comme si, en voulant dire, il accepte le shirk à la base, mais il s'excuse qu'il ne peut pas le faire parce que il a rien avec lui pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que son excuse est pas valide. Et il dit ensuite que il y a une autre narration aussi d'un autre hadith qu'on avait lu dans le chapitre au sujet de la peur du shirk, rapporté par Muslim, selon Jabir, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Allah sans avoir rien associé avec lui et sans avoir fait aucune forme de shirk avec lui, il entrera au paradis. Tandis que celui qui rencontre Allah en ayant fait du shirk avec lui, il entrera en enfer. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ce hadith-là, il dit: yushriku bihi shay'an, yani shay'an nakira fi siyaq al-shart, fata'um kullu shay'in qalilan kana aw kathiran. Wa hadha fi al-Qur'an. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, yani ayy shay. Donc le Cheikh, il explique ici que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, quiconque rencontre Allah sans avoir rien associé avec lui, sans avoir rien associé. Donc quand tu dis rien, c'est général. Ça veut dire que ça implique n'importe quelle chose qui aurait pu être associée à Allah. Que ce soit un arbre ou une roche ou une idole, une statue, le soleil, la lune, un prophète, un ange, un saint, peu importe. Depuis que tu associes une chose quelconque à Allah, peu importe la chose, alors, ça c'est du shirk. Et le cheikh, il explique ça comme pour dire que si Allah, il dit ici, shay'an, c'est un terme qui est mentionné à l'indéfini, hein, et il est mentionné en tant que condition, il dit dans ce cas-là, ça veut dire que la chose en question, elle est générale, ça peut être n'importe quoi. Donc, peu importe la chose que tu associes à Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être cette chose-là, hein, si tu l'associes à Allah, tu as commis du shirk. Et comme Allah il le dit dans le Coran, dans le verset 36, dans sourate An-Nisa, il dit: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Shay'an, ça veut dire une chose quelconque, peu importe la chose. C'est pas une chose spécifique. Il a pas dit celui qui il n'a pas dit adorer Allah et n'associez pas une idole avec Allah. Ou n'associez pas, par exemple, telle chose avec Allah. Non, il a dit n'importe quelle chose. Peu importe la chose que vous associez avec Allah, c'est du shirk. Donc c'est général. Et tout ce qui est associé à Allah dans l'adoration, eh bien ça rentre dans le shirk. Hein? Après le shaykh, il dit: فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَنْ قَرَّبَ. Si on dit ça à propos de celui qui a sacrifié une mouche à une idole, que dire de celui qui engraisse sa chamelle, sa vache ou son mouton et il le fait engraisser pendant une année pour le faire grossir et puis après il ramène ça devant la tombe ou devant une idole pour l'égorger, pour le sacrifier pour autre que Allah. Hein? Ça fait encore plus grave. Et le cheikh, il dit, s'il vient avec cet animal pour le sacrifier, hein, pour la chose qu'il adore en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Yani, si c'est un homme, un être humain qui est vivant, ou un être humain qui est mort, ou un être humain qui est, absent, ou un tarout, hein, un tarout, c'est-à-dire un shaitan, ou n'importe quoi. Ça peut être un endroit, par exemple, une mausolée ou un dôme qui a été construit par-dessus une tombe, que les gens de Bid'a, ils adorent ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui est mort, hein, ils disent que c'est un grand cheikh ou un grand imam ou un sayyid. Ils vont, par exemple, faire une mosquée sur sa tombe, ou bien un dôme, ou un mausolée, un musalla, ou bien n'importe quoi. Ils construisent ça sur sa tombe pour l'honorer. Et ils vont aller là-bas faire des sacrifices à cet endroit-là. Hein? Ou bien un arbre ou une pierre, ou n'importe quelle autre chose, parmi les choses que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah. Et le cheikh, il dit, même que dans les mouchriquins de cette Ummah, ceux qui se disent musulmans, qui adorent les tombes, Il dit, il y en a parmi eux qui considèrent même que le fait de sacrifier un animal pour la tombe, c'est meilleur que de faire les sacrifices qui sont légiférés dans la charia. Lorsqu'on fait, par exemple, l'Aïd, ou bien lorsqu'on est dans le Hajj, ou lorsqu'on est dans, par exemple, on a une aqiqa ou quelque chose qui est légiféré. Eux, ils pensent que de sacrifier pour des idoles ou des statues ou des tombes, que ça c'est meilleur. Et il dit, et certains, yani, ils vont penser que s'ils font ce sacrifice-là pour la tombe et pour le wali, ou pour le seyyid, ils pensent que ça leur dispense de faire leur sacrifice lorsque vient l'obligation de faire le sacrifice, hein, quand c'est l'Aïd, par exemple, ou quand c'est le Hajj, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont, à cause du respect qu'ils ont et l'espoir qu'ils ont dans ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Allah al-Musta'an. Il dit ça, ces choses-là sont répandues dans beaucoup de pays musulmans, et il y a même des choses plus graves que ça encore. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires à propos de ces points-là. Donc on va lire quelques-uns des commentaires ici. Il dit, إذا كان هذا في من ذبح الذباب للصنم فكيف بالذي يختار الإبل السمينة والأبقار والأغنام السمينة ويذبحها للقبور وللأصنام تقربا إليها هذا أشد والعياذ بالله كما يحصل عند القبور الآن. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un il va faire un sacrifice d'une mouche à un idole, ça déjà c'est du shirk et c'est grave. Hein, il rentre en enfer pour ça. Alors que dire de la personne qui choisit des chamelles qui sont grasses, et des vaches qui sont grasses, et des moutons qui sont bien engraissés, puis qu'il va les égorger pour les tombes et pour les idoles, et qui essaie de se rapprocher de ça. Il dit ça c'est encore plus grave. Wal'iyadhu billah. Et il dit c'est ça malheureusement qui se produit aujourd'hui de la part de certains musulmans qui vont aux tombes pour adorer les tombes, pour adorer les morts. Et on a posé la question au cheikh justement à ce sujet-là. Et on lui a posé la question qu'il y a certains gens dans les pays musulmans, ils vont faire des sacrifices auprès des tombes, auprès de certaines tombes, et puis ils disent, nous on ne sacrifie pas pour la personne qui est enterrée dans la tombe. On fait ça juste parce qu'on a fait un vœu, et on doit exécuter le vœu qu'on a fait, hein, pour Allah à cet endroit-là. Donc nous on égorge pour Allah auprès de la tombe, mais pas pour la personne qui est dans la tombe. Et le cheikh il a répondu à ça, il a dit ça c'est un mensonge. Il dit du moment qu'ils sont venus auprès de la tombe, ça veut dire qu'ils ont une croyance vis-à-vis de la personne qui est enterrée dans cette tombe-là. Ils ont une croyance par rapport à cette personne qui est enterrée dans la tombe. Parce que si c'était pas le cas, pourquoi ils sont venus exprès auprès de la tombe pour faire ce sacrifice-là? Alors que Allah Azza wa Jal n'a jamais ordonné qu'on vienne auprès d'une tombe pour faire un sacrifice. Hein? Parce que ça c'est du shirk. Et donc il dit soit que c'est du shirk en soi ou bien un moyen qui nous amène à tomber dans le shirk. Hein? Donc soit que c'est une forme de shirk majeur ou une forme de shirk mineur. Ça aussi, ça, lire le Coran auprès des tombes, ça aussi, ça rentre dans les bid'ahs, non, dans les innovations. Oui, faire des du'as, ok, si tu fais un du'as pour les morts, ça c'est correct. Mais si tu fais des du'as aux morts, tu demandes aux morts, là ça c'est shirk. Après, le cheikh il dit ensuite, quand il mentionne par exemple les différentes choses que les gens adorent et les choses pour lesquelles ils font des sacrifices en dehors d'Allah, il a mentionné différentes choses et différents exemples. Il dit comme par exemple une personne qui est morte, une personne qui est absente, et le cheikh il dit min mayyitin ay sahib qabrin aw ghaib min al jinn yadhbahu lil jinn aw lil shayatin min ajli an yahsul lahu maqsudahu فهذا يكون مشركا بالله عز وجل ومستحقا لدخول النار. Donc il dit le cheikh qu'il y a des gens, ils font des sacrifices pour un mort. Ils sacrifient l'animal pour le mort. ou bien pour la tombe, ou bien pour quelque chose qui est absent, comme par exemple des choses qu'il ne peut pas voir comme les djinns. Il fait des sacrifices pour les djinns. Hein? Et le cheikh, il dit donc, il fait ça pour les djinns, pour les shayatins, pour obtenir ce qu'il veut. Donc, il veut satisfaire les djinns, alors il fait le sacrifice pour les djinns, pour obtenir quelque chose, ou pour être protégé de quelque chose. Ça, c'est du shirk aussi. Et dans la religion voodoo, hein, dans le voodooisme, il y a beaucoup d'exemples de ce genre de sacrifices-là. Hein. Ils font des cérémonies, ils font des sacrifices dedans. Ils sacrifient un mouton, ils sacrifient une vache, ils sacrifient une poule, hein, pour les djinns, pour les shayatins. Et donc ça représente une forme de shirk, parce qu'ils adorent par cela autre que Allah Azza wa Jal. Et le cheikh, il dit donc que à cause de ça, donc il devient un mushrik et il mérite l'enfer. Ensuite le cheikh, il dit au tarut min at-tawarit, wa at-tarut ma'khuz min at-tughyan wa huwa mujawazat al-had wa min at-tawarit man da'a ila ibadati nafsihi wadh-dhabh lahu والنذر له مثل ما يفعله الطواغيت الذين يوصون بأن يذبح لهم ويتقرب إليهم ويستغاث بهم وكل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فإنه طاغوت أما الذي يعبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك وينهى عنه مثل الأنبياء والأولياء والصالحين الذين ينكرون الشرك لكن ماتوا عبدوهم من دون الله هؤلاء لا يسمون طواغيت في أنفسهم مثل عيسى عليه السلام ومثل الأولياء والصالحين ولكن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك فهم يعبدون الطاغوت يعني الشيطان وهو الذي دعاهم إلى عبادة غير الله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique que le tarot aussi, c'est des choses pour lesquelles il sacrifie des choses pour, en dehors d'Allah. Et le tarot, c'est un mot en arabe qui vient du mot turyan. Turyan qui signifie la transgression, le fait de dépasser la limite. Et les tawarit, il y a différentes catégories. Et parmi les catégories, toute personne qui invite les gens à ce qu'on l'adore. Les gens qui viennent, qui appellent les gens à les adorer. Ils disent « Adorez-moi ». Hein? Donc la personne qui dit aux gens « Adorez-moi », il fait partie de ceux qu'on appelle des tarouts. Le pluriel du mot tarout, c'est « tawarit ». Taroutun, ça c'est singulier. Tawarit, c'est pluriel. Et donc, comme le cheikh il mentionne, la personne qui appelle les gens à ce qu'on l'adore, ou à ce qu'on lui fasse des sacrifices ou qu'on fasse des vœux, hein, il dit faites ça, eh bien ça c'est des tawarit. La même chose la personne qui dit quand je vais être mort, faites-moi des sacrifices, hein, rapprochez-vous à Allah par mon intermédiaire et des choses comme ça, ça c'est des tawarit. Toute personne qui est adorée par les gens, même s'il n'a pas demandé aux gens de le faire, mais si les gens l'ont adoré et qu'il a été satisfait de ça, hein, alors il est un tarout dans ce cas-là. Tandis que ceux qui sont adorés par les hommes et qui ne sont pas satisfaits d'être adorés et qu'ils interdisent aux gens à ce qu'on les adore, mais les gens le font les gens le font malgré que eux ils sont pas d'accord. Comme les prophètes, par exemple, ou les hommes pieux, qui condamnaient le shirk, et qui interdisaient le shirk, mais qui sont morts et que les gens les ont adorés en dehors d'Allah, eh bien, ceux-là, on les appelle pas des tawarit. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas été d'accord avec ça. Comme Jésus, que les chrétiens adorent en dehors d'Allah, hein. Jésus, il n'a jamais dit aux gens, adorez-moi, hein, priez-moi, faites-moi des adorations, jamais. Et la même chose pour les hommes pieux parmi les salihin que certains musulmans adorent en dehors d'Allah. Et ils vont à leur tombe, ils font des pèlerinages et des choses de ce genre. Et que si eux, ces hommes pieux-là, n'avaient jamais dit aux gens de faire ça, et en réalité, c'est le shaitan qui les a poussés à faire ces choses-là. Et par conséquent, le tarout, c'est le shaitan ici. Parce que c'est le shaitan qui est derrière le shirk que ces gens-là font. Et les prophètes et les gens qui sont pieux, qui ont interdit le shirk, ils n'ont rien à voir avec cette chose-là. Donc, eux, ils ne sont pas des tawarites. D'accord? Donc, ensuite, il a mentionné, il dit « Al-Mashhad ». « Al-Mashhad » huwa al-qabr al-mabni alayh. Mithlu Mashhad al-Hussein fi Karbala wa Mashhad al-Badawi fi Tanta bi Misr. » Donc, en fait, qu'est-ce que les soufis ou les gens appellent un mashhad? Hein? Parce qu'il y a le masjid. Masjid, c'est l'endroit où on vient prier, c'est la mosquée. Mais al-mashhad, c'est quoi? C'est l'endroit, yani, l'endroit où il y a une tombe, c'est une tombe ou une mausolée. Les gens ont construit par-dessus cette tombe une mausolée ou une mosquée ou un endroit comme ça que les gens vont visiter. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle un mashhad. Et eux, ils appellent ça un mashhad. Et il y a un exemple qu'il a donné, le cheikh, comme le mashhad de Al-Hussein. C'est-à-dire, Al-Hussein, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, hein, le fils le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que quand ils ont, c'est-à-dire les chiites là-bas, ils adorent sa tombe. Ils ont pris sa tombe comme un lieu de pèlerinage. À chaque année, ils vont faire le pèlerinage là-bas à Karbala. Ils font même des pierres de la terre qui viennent de Karbala pour prier. Quand ils font la prière, ils mettent une pierre par terre. Et ils se prosternent sur la pierre. Hein? Tout ça, c'est du shirk et des bid'a. Hein? Allah musta'an. Et à Najaf, pas loin de Karbala, il y a une autre ville qui s'appelle Najaf. C'est là que Ali ibn Abi Talib est mort et enterré. Ils ont construit sur sa tombe aussi un mausolée aussi, un grand. Oui. Hussein, c'est le fils d'Ali, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhuma. Et ils ont fait ça aussi, non seulement pour Ali, radiyallahu anhu, et pour Al-Hussein, radiyallahu anhu, mais ils ont fait ça aussi pour tous les descendants de Ali et Al-Hussein. Tous leurs descendants, les 12 descendants, ils leur ont fait des mausolées comme ça, et ils font des pèlerinages à chacune de ces tombes là de leurs imams, ils appellent les imams. D'accord? Les 12 imams. Et ils font des actes d'adoration à ces endroits-là. Même une fois, j'ai vu sur YouTube, Allah musta'an, il y avait une vidéo qui circulait, ça fait une dizaine d'années, un service qu'ils offrent les chiites. Si tu veux appeler le wali ou la tombe, il y a un numéro de téléphone que tu peux appeler quelqu'un qui est là-bas, et il répond, et il met le téléphone à côté de la tombe pour que toi tu peux demander, soi-disant tu demandes au wali là-bas ou à l'imam pour qu'il t'exauce dans tes doigts ou des choses comme ça. Ça, c'est des exemples de shirk encore une fois. Hein? À Touba, au Sénégal, il y a le Ahmed Oubamba, ils ont fait sa tombe, la même chose. Ils ont fait une mausolée par-dessus. Hein? Et puis, ils font des pèlerinages là-bas. Chaque année, ils font le Magal, oui, c'est ça. Hein, aussi, c'est du shirk. Hein? Ils vont à sa tombe, ils mettent même sa photo dans la mosquée. Allah musta'an. Hein? Depuis quand on met des photos dans les mosquées? Hein? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait mettre sa photo sur les murs? Hein? Jamais de la vie, il a interdit les photos. Comment il va mettre sa photo dans les murs? Donc les soufis, hein, eux, ils se promènent avec la photo de leur cheikh. Et ils affichent ça partout. Hein? Pas seulement les mourides. Toutes les turqs, ils font des bid'a comme ça. La même chose au Maroc. Dans presque toutes les grandes villes marocaines, il y a des tombes, il y a des, même dans les villages, il y a des qobours comme ça, des mausolées. Les gens, ils vont faire des mawasim. Il y a des festivals. Chaque année, ils font la célébration de la fête du Wali. Et même des fois, les gens, ils savent même pas que c'est relié à ça. Des fois, ils vont même pas savoir. J'étais à Fès comme ça. Il y a des endroits aussi, ils vont pour... Il y a des fontaines avec de l'eau. Et puis les gens, ils vont boire ça. En réalité, hein, ils croient que l'eau, elle a des bénédictions, ou qu'elle a des comment on a, il y a un terme. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ils croient que l'eau, elle a une certaine baraka, mais en français, le terme que je cherche, c'est autre chose. Hein? Ouais, comme des pouvoirs, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est comme des particularités, comme certaines, comme si l'eau elle avait certains dons là. Hein? L'eau elle a un certain pouvoir que elle est différente. Pourquoi? Parce qu'il y a le wali qui est enterré là, à cet endroit là. C'est lui qui a fait que l'eau elle devienne comme ça. C'est pour ça qu'il appelle souvent, il donne à la source le nom du wali. Hein, par exemple, la fontaine Sidi Foulan, devant leur nom, il y a toujours le nom Sidi. Sidi, ça veut dire, c'est comme le saint, là. Hein? Bon, en français, ils le traduisent monsieur, mais ça veut pas dire monsieur. Sidi, là, c'est comme quand ici on dit Saint-Jacques, Saint-Jean, Sainte-Catherine, Saint-Joseph, c'est comme les saints, en fait. Ils les considèrent comme des awliya. C'est un endroit, j'ai vu au Maroc quand j'étais là-bas, il y a un mausolée où ils enterrent les rois, ok, et ils les enterrent à ces endroits-là. Si tu regardes par exemple en Arabie Saoudite, l'endroit où ils enterrent les rois en Arabie Saoudite, la tombe, tu peux même pas distinguer. Est-ce que c'est la tombe de roi ou la tombe de n'importe quel musulman? Toutes les tombes sont pareilles. Il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. C'est la terre qu'on a remis et c'est tout. Ça, c'est la sunna. Et même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe de Abu Bakr, la tombe de Omar et la tombe des autres sahaba, tous c'était la même. Il n'y avait pas de différence. Mais les gens, ils ont innové, ils ont rajouté des bid'ahs, ils ont fait des tombes différentes pour les gens importants. Hein? Pourquoi? C'est comme si ils pensent qu'en faisant ça, ça leur donne une autre plus d'importance. Mais le problème avec ça, c'est qu'avec le temps, les gens, ils tombent dans le shirk. Il y a des gens dans leur mausolée, dans leur tombe, il y a une personne qui est payée pour rester assise là-bas pour lire le Coran toute la journée. Pourquoi? Est-ce que c'est ça la sunna? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand je vais mourir, faites que quelqu'un s'assoie toute la journée réciter le Coran sur ma tombe? Ça n'existe pas dans la sunna. Donc il y a beaucoup de bid'a, les gens font. Et peu importe qui est-ce qu'il fait la bid'a, peu importe qui l'a fait, que ce soit un prince, un roi, un président, un juge ou un musulman ordinaire, peu importe. Qu'est-ce qui est contraire à l'islam? C'est contraire à l'islam, c'est tout. Hein? Et nous, on condamne tout ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, hein? Tout ce qui est contraire à ce que nos salafs faisaient, on le rejette. D'accord? Donc ça, c'est parce que c'est pour expliquer, c'est expliquer l'islam. Et l'islam, c'est l'islam, c'est pas qu'est-ce que les gens font, hein? Pas qu'est-ce que un tel ou un tel il fait. Même s'il est de Ahlul Bayt, même s'il est descendant de Ahlul Bayt, descendant de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est un shérif, même s'il était un noble ou qu'il vient de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de le droit de contredire le Coran et la Sunna. Il n'a pas le droit de faire des bid'a, hein, ou de se faire une tombe en or. Tu vas dire, moi je suis Hein? Je suis un wali, je veux que ma tombe soit faite en or. Comme ça, je vais aller au paradis. Non, ça ne veut rien dire. C'est pas comment on a construit une mosquée immense sur ta tombe, ça veut dire que tu vas être meilleur que quelqu'un d'autre. Ça ne veut rien dire, ça. C'est-à-dire, tu veux dire à l'époque du prophète? Ben, avant, c'est-à-dire que quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ça, les gens qui ont propagé sa da'wa, quand ils ont pris le pouvoir à ces endroits-là, il y avait des tombes. Parce que c'était les ashraf qui avaient le contrôle de la Mecque et de Médine. Al-Baqir, si tu voyais le cimetière de Médine à l'époque, c'était rempli de dômes et de mausolées de partout dans le Baqir, comme ça. Et c'est parce que lorsque les gens qui ont ramené la da'wa de la sunna et du tawhid, hein, après avoir pris le contrôle des terres saintes, quand ils sont entrés, là ils ont nivelé le sol et éliminé toutes les bid'a, toutes les shirks qui étaient là-bas. C'est pour ça que les soufis et les shia, ils étaient fâchés. Ils ont dit, ah, ça c'est des wahhabiyas. Ils n'aiment pas les salihines. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils enlèvent leur mausolée. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas les hommes pieux. Ce sont des wahhabiyas, ce sont des khawarij. Ils ont accusé d'être des khawarij. Alors, tout ça pour dire qu'en réalité, c'est parce que c'est des gens qui sont ignorants. Connaissent pas la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, de niveler toutes les tombes qui étaient surélevées à son époque. Il l'a envoyé dans cette mission, il a dit, si tu vois une statue, détruis-la. Et si tu trouves une tombe qui est élevée, nivelle-la au niveau du sol. Et à l'époque de Ali, radiallahu anhu, il avait envoyé d'autres personne faire la même chose. Il a dit, je vais t'envoyer, je pense que c'était Abil Hayyaj dans le hadith qui est rapporté par Muslim, il a dit, لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا يعني ولا تمثال إلا طمسته. Ça veut dire, n'importe quelle statue que tu trouves, tu la détruis. N'importe quelle tombe que tu trouves qui est surélevée, nivelle-la. Et Ali radiallahu anhu, il a dit, ça c'est la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait ordonné de faire. Hein, il m'avait envoyé dans la mission pour faire ça. Et il y a plusieurs hadiths qui mentionnent, Naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil bina ala al-qubur. Hein? Donc il avait interdit de construire, de faire des constructions sur les tombes. Ça c'est mentionné dans les hadiths authentiques, dans le Bukhari et Muslim. C'est comme si des musulmans, ils ont lu les hadiths, ils ont dit, ah, mais on va faire tout ce qui est contraire, tout ce qui est le contraire de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna, on va le faire. Et quand tu regardes dans les pays musulmans aujourd'hui, c'est exactement ça. T'as l'impression que les gens, ils ont dit, on va faire tout le contraire de ce qui est dans la sunna. Tout ce qui est contraire au Coran, on va le faire. Parce que c'est exactement ce qui est interdit que les gens font aujourd'hui. Et les gens, ils se laissent aller par les sentiments, par les émotions, et par l'ignorance. Oui, parce que les gens, ils sont ignorants, ne connaissent pas la sunna, ne connaissent pas la religion, ne connaissent pas la sharia, et après, ils se laissent aller, parce que quand il y a quelqu'un qui meurt, ou quand il y a un mort, ils laissent parler leurs émotions, au lieu de suivre la sharia. Tu comprends? Alors, par pitié, par émotion, ils vont se laisser aller dans les bid'ahs. Alors que dans des situations comme ça, il faut être très solide et très ferme. Il ne faut pas se laisser aller par les sentiments parce que sinon tu vas t'égarer. Donc, Al-Mashhad en a expliqué. Ensuite, le Cheikh il dit, أو يذبح لشجرة يتبرك عندها كالذبح للات والعزة ومنات. Ou bien il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Le Cheikh il dit, ils sacrifient pour les arbres. Et il cherche la bénédiction de ces arbres. Et de même que Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, les gens qui avant l'islam, adoraient les idoles, Lat, Wal-Uzza et Manat, ils faisaient des sacrifices à ces endroits-là. Et c'était des fois des représentations de rochers ou des arbres, ou bien des choses comme ça qu'ils prenaient comme idoles. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et ensuite, le cheikh, il dit, comme commentaire encore, il dit, « Wa ha'ula yataqarrabuna ila al-qubur wa ila al-adrihati wa ya'tabiruna thalika afdalu min al-zabhi lillah wa afdalu min al-zabhi al-udhiyati allati hiya nusuk wa afdalu min zabhi al-aqiqati lil-mawlud wa ya'tabiruna al-zabhi lil-qabr افضل من الذبح المشروع الذي يتقرب به الى الله عز وجل. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils se rapprochent donc par les tombes, hein, et les tombeaux, et ils considèrent que c'est meilleur que le sacrifice qu'on fait pour Allah, et que c'est meilleur que les offrandes ou les sacrifices qu'on fait qui sont légiférés dans l'islam. Meilleur que la aqiqa, lorsqu'un enfant est né, et il considère que de sacrifier pour la tombe, c'est meilleur que ça, alors que c'est même pas légiféré et que c'est contraire à la charia. Si tu dis par l'amour que Allah a pour le prophète, non, ça c'est pas correct. C'est-à-dire que c'est pas, si tu demandes à Allah, tu dois pas lui demander pas de cette façon. Si tu dis par exemple, tu dois demander par tes actions à toi, pas par un intermédiaire ou bien par quelque chose qui est en dehors de ton contrôle. Par exemple, tu dis, oh Allah, je te demande par mon amour pour le prophète. Ça c'est correct, parce que ton amour pour ton prophète, ça fait partie de ta foi. D'accord? Tu dis, oh Allah, je te demande par ma foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça c'est correct. Parce que ta foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de tes actions. Ça fait partie de ta croyance. Par contre, si tu demandes, tu dis, oh Allah, je te demande par le statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien par le niveau important qu'il a auprès de toi. Tu demandes par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par son statut, ou par son niveau. Là, dans ce cas-là, ça devient une forme de bid'a. Et ça peut amener à du shirk. C'est dangereux. D'accord? Donc, si tu dois faire le tawassul, qu'est-ce que tu as demandé? Là, ça, c'est par rapport à tawassul. Les ulama, ils ont expliqué que tawassul, tu peux le faire par les noms d'Allah. Tu demandes à Allah par ses noms et par ses attributs. Tu peux demander à Allah, Azza wa Jal, aussi, tu demandes à Allah par ses noms, par ses attributs. Tu demandes aussi à Allah Azza wa Jal par des actions que tu as faites, des choses que tu as faites, des bonnes œuvres. Comme les trois hommes qui étaient enfermés dans une grotte, ils ont demandé par des actions qu'ils ont faites. Et tu peux aussi demander à Allah Azza wa Jal par un doua d'une personne qui est pieuse et qui est présente et vivante. Dans le sens que tu vas dire, par exemple, à quelqu'un, demande à Allah pour moi. Fais un doua pour moi. Parce que tu considères que cette personne-là, elle est pieuse, elle est bien. Donc, si elle fait un doua pour toi, tu penses que peut-être que ça va être exaucé. Donc, tu lui demandes. Et ça, c'est permis de le faire. Mais c'est pas quelque chose qui est conseillé. Hein, de demander à quelqu'un quoi que ce soit, c'est le mieux, c'est de pas demander rien à personne. C'est ça. C'est comme si tu te reposes sur la piété de l'autre, alors que tu ne vas pas faire toi-même l'effort de faire ton propre doua pour toi-même. Ouais, mais par contre, il y a des hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là. Donc, c'est pas interdit de le faire. Même que le prophète, quand il n'y avait pas de pluie, par exemple, pendant longtemps, les sahaba, ils venaient voir le prophète, et ils demandaient au prophète, de faire istisqa pour eux. De demander la pluie à Allah, Azza wa Jal. Donc, ils demandaient la pluie, et la pluie tombait. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les sahaba, ils demandaient à l'oncle du prophète, Al-Abbas, hein, de faire dua pour eux, pour la pluie. Et même que les ulama ont mentionné ça comme une preuve, pour dire, si c'était permis de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, les sahaba n'auraient pas demandé à l'oncle du prophète de faire dua pour eux, ils auraient demandé au prophète directement. Hein? Donc ça c'est un exemple de ça. Et qu'est-ce qui est interdit? C'est de faire le tawassul par une créature, en demandant à Allah par quelqu'un. Hein? Soit le prophète ou soit un homme pieux. Et qu'est-ce qui est plus grave encore? C'est de demander à autre que Allah quelque chose, directement. Donc là, ça devient du shirk majeur. Si tu demandes à Allah par une créature, là, ça, c'est du shirk mineur. Et c'est une forme de bid'ah. Comme par exemple, si quelqu'un dit, « Oh Allah, je te demande par ton prophète. » Ça, c'est pas permis. Les sahaba, ils ont jamais fait ça. Hein? Et donc, pour continuer, Cheikh il dit ensuite, وربما بعضهم لا يضحي ويكتفي بالذبح للقبر ويقول هذا يكفي. Donc il dit, certaines personnes, ils vont même pas faire leur sacrifice, ils vont se limiter à faire le sacrifice pour les tombes, et ils disent, ça c'est suffisant. Et après, le cheikh, il dit, وَقَدْ عَمَّتِ الْبَلْوَى بِهَذَا وَمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ يعني في آخر الأمة يعني أنه بعد القرون المفضلة كثر هذا في الناس الذبح للقبور واعتبروه هو الدين وأن الذي لا يذبح للقبور يكون جافيا ومنتقصا للأولياء والصالحين خارجا عن الدين ويسمون الموحدين بالخوارج لماذا؟ لأنهم خرجوا عن دين المشركين. Donc le cheikh il dit, à la fin des temps, hein, c'est ça qui arrive, les gens ils tombent dans le shirk, ils adorent les tombes et ils sacrifient pour les tombes et ils considèrent que c'est ça l'islam, que c'est ça la religion, et que celui qui le fait pas, eh bien il n'a pas de respect pour les hommes pieux et qu'il dénigre les hommes pieux et qu'il est sorti de la religion. C'est pour ça qu'ils appellent les gens qui appellent au tawhid et qui condamnent le shirk, ils les appellent des khawarij. Hein? Et le cheikh il dit, pourquoi ils appellent des khawarij? Parce qu'ils sont sortis, hein, kharaju, ils sont sortis de la religion des mushrikines. Pourquoi ils appellent les gens du tawhid? Ils les appellent à tort des khawarij. Parce que des khawarij, la vraie définition des khawarij, comme les ulama les ont définis, c'est ceux qui font le takfir des musulmans pour des péchés. Hein? Mais si tu fais le takfir d'un musulman parce qu'il a fait du shirk majeur ou du kufr majeur, ça c'est pas la voie des khawarij. Mais eux ils confondent parce qu'ils savent pas la différence entre le shirk et le tawhid. Donc puisqu'ils ne savent pas la différence entre le shirk et le tawhid, ils considèrent que ceux qui interdisent le shirk sont des khawarij parce qu'ils comprennent pas la religion. Et pour terminer donc le chapitre, le cheikh il dit, وقوله وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفيه تفاوت الناس في الإيمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. Donc le cheikh, il termine l'explication, il dit que l'autre personne, quand il est arrivé pour traverser la ville, pour passer par la ville, ils lui ont demandé de faire un sacrifice pour l'idole, et il a dit, je ne vais jamais sacrifier rien pour je ne vais jamais rien sacrifier pour autre que Allah. Hein? Je ne vais jamais rien sacrifier, hein, faire de sacrifice pour quoi que ce soit en dehors d'Allah. Hein, parce que lui, il a cru au tawhid. Et il sait que de faire des sacrifices pour autre que Allah, même une mouche, que c'est du shirk. Alors, à cause de ça, ils lui ont coupé la tête. Et il est rentré au paradis. Et le cheikh, il dit qu'il y a ici parmi les choses qu'on peut comprendre ou qu'on peut tirer de ce hadith, c'est la connaissance de la valeur du shirk, plutôt la gravité du shirk dans le cœur des gens de la foi, dans le cœur des croyants. Ils connaissent la gravité du shirk et ils s'enfuient du shirk. Et ils restent fermes sur le tawhid et sur l'ikhlas, la sincérité envers Allah et la pureté envers Allah. Ensuite, le cheikh, il dit, et il y a également, qu'est-ce qui est mentionné dans l'autre hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres également qui va être expliqué plus loin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses, trois caractéristiques, si quelqu'un les possède, il va goûter à la douceur de la foi. Et une de ces trois choses, c'est qu'il déteste de retourner à la mécréance, comme il détesterait que Allah, c'est ça, il dit qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait qu'on le jette dans le feu. Et ici, le cheikh, il dit, ça montre également la différence entre les hommes par rapport à leur niveau de foi, parce que la personne qui a fait le sacrifice de la mouche, elle n'avait pas d'autres actions qui méritait pour elle qu'elle entre en enfer avant qu'elle ait fait cet acte de shirk ce qu'elle a fait pour l'idole avant cela. Donc ça, c'est par rapport à qu'est-ce que le cheikh a dit au sujet de ce hadith là. Maintenant, il y a quelques commentaires de cheikh Al-Fawzan, on va les lire après ça va être terminé. Le cheikh, il dit: فرق بين الجوابين وهذا قال ما كنت لأقرب حتى ولو عنده شيء حتى ولو عنده إبل أو بقر أو غنم ما كنت لأقرب وهذا من باب الاستحالة الاستحالة أن يقرب شيء لأحد شيئا ولو كان حقيرا دون الله عز وجل وهذا هو الموحد الذي جهر بعقيدته وأعلن ببراءته من الشرك والمشركين وهذا واجب هذا واجب المؤمن أن يتمسك بعقيدته وأن يعلن بها ويجهر بها لأنها حق. Donc le cheikh, il explique la différence entre les deux réponses, la réponse du premier et la réponse du deuxième. Le deuxième, il a dit, je ne vais jamais rien sacrifier pour autre que Allah. C'est-à-dire, même s'il avait quelque chose avec lui, comme même s'il avait un mouton ou un chameau ou une vache, il ne l'aurait pas sacrifié parce que il considère que peu importe qu'est-ce que tu sacrifies pour autre que Allah, c'est du shirk et donc c'est interdit. Et donc c'est pour expliquer que c'est pas possible pour lui de sacrifier quoi que ce soit, même si cette chose-là n'a pas de valeur. Hein, du moment que il sacrifie pour autre que Allah, c'est pas possible. Et donc il dit, ça c'est la position de la personne qui est sur le tawhid et qui expose ouvertement sa croyance et sa conviction et qui divulgue ouvertement qu'elle se désavoue du shirk et des mushrikin. Et c'est ça l'obligation du vrai croyant. Il doit pas être complaisant, il doit pas faire de compromis, hein, ou transiger dans ses fondements. Il doit s'accrocher à sa aqida et dire à haute voix, hein, qu'il la défend et que c'est la vérité. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, yani, ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل أي غير الله فالذبح لا يكون إلا لله وضربوا عنقه أي قتلوه ودخل الجنة لأنه مات على التوحيد donc ils lui ont coupé le cou donc ils l'ont tué il est rentré au paradis parce qu'il est mort sur le tawhid دل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة donc c'est la preuve que celui qui meurt sur le tawhid il rentre au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quiconque rencontre Allah sans avoir rien associé avec lui, il entre au paradis. Et on a expliqué déjà les détails de ce hadith-là, donc on ne va pas rentrer encore dans les détails en ce moment. Le cheikh, il dit ensuite, فيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان يعني امتنع عن الذبح لأنه شرك ولو كان المذبوح شيئا تافها لكنه عظم الشرك وتجنبه ولم يتهاون به وهذا واجب المؤمن أنه ما يتساهل في أمور الشرك أبدا donc le cheikh il dit il s'est abstenu de sacrifier pour autre que Allah parce que c'est du shirk même si la chose qui était égorgée ou sacrifiée était insignifiante parce que c'est pas la chose qui est égorgée qu'il faut regarder mais c'est le shirk, la gravité du shirk qu'il faut prendre en considération. Et il faut s'en écarter complètement. Et ne pas, yani, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. Et ça, c'est l'obligation du croyant de ne pas prendre à la légère les questions qui sont reliées au shirk. Il dit, وَهَذَا كَرِهَ الشِّرْكِ وَكَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِيهِ وصبر على القتل فكان من أهل الجنة. Donc le cheikh il dit celui-là il a donc détesté le shirk et il a détesté retourner au shirk et il a été endurant il a supporté même enduré et il a été patient même il a été tué pour ça et à cause de ça il est rentré au paradis. Donc yani quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que ça fait partie des choses par lesquelles quelqu'un peut goûter à la douceur de la foi, c'est-à-dire qu'il préférerait qu'on le jette dans le feu plutôt que de retourner au kufr. C'est-à-dire qu'il préférerait qu'on le tue plutôt que de retourner à la mécréance. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la foi est plus importante pour lui que la vie. Hein? Et c'est ça qui fait que la personne peut goûter à la douceur de la foi, ou une des choses par lesquelles il peut goûter à cette douceur de la foi. Après le cheikh, il dit, نعم هذا حمله إيمانه ويقينه على الامتناع عن الشرك وعلى الصبر على القتل وهذا حمله ضعف الإيمان على أن يرتد عن الدين وذبح لغير الله. Donc il dit, donc un des deux, sa foi et sa conviction l'ont amené à s'abstenir de faire le shirk et à être patient et à endurer même la mort. Hein? Tandis que l'autre, à cause de sa faiblesse dans sa foi, il a apostasié de la religion et il a égorgé pour autre que Allah. Allah al-Musta'an. Et finalement, le cheikh il dit, لِأَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا لَدَخَلَ النَّارُ بِالْكُفْرِ وَلَمْ يُدْخِلْهُ بِالذُّبَابِ فدل على أنه كان مسلما وأنه لما ذبح لغير الله ارتد عن دين الإسلام وصار مشركا. Donc ici le cheikh explique que l'homme en question qui a égorgé la mouche, il était musulman avant. Il est entré en enfer non pas parce qu'il était kafir, parce que s'il avait été kafir, il serait entré dans l'enfer pour le kufr. Donc c'est la preuve qu'il était musulman déjà. Et que en faisant ce sacrifice pour cette mouche, il est devenu kafir, hein, parce qu'il a égorgé pour autre que Allah, et il est donc sorti de l'islam. Donc ça c'est la fin de ce chapitre. On s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la semaine prochaine avec un nouveau chapitre dans Kitab al-Tawhid. Et le chapitre suivant c'est Ma la yuzbahu lillahi bimakanin يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ c'est-à-dire ce que on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge ou on sacrifie pour autre que Allah. Donc ça aussi c'est un sujet important. C'est-à-dire, on va expliquer yani, le danger de faire des actes d'adoration dans des endroits où les gens font le shirk. De sacrifier yani, dans un endroit où les gens sacrifient pour autre que Allah et les détails à ce sujet-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.